Et j'ai dû gifler des jours. Je vis toujours au jour le jour. C'est la cour des miracles, j'ai dû changer la France avec un titre de séjour. Toujours dans ce genre de vie, y'a mes pattes portes ouvertes, alors j'ai pété la vitre. Si l'amour en t'avait, tu peux m'appeler d'Ardeville. Et quelques bastos suffisaient pour faire trembler Paris. Dans ce genre d'automobile qui fait fantasmer ses filles, 650K d'autonomie, je remercie maman car elle m'a donné la vie. Et je remercie maman car elle m'a donné la vie. Donné la vie. Donné la vie. Donné la vie. Je remercie maman car elle m'a donné la vie. Casquette, lunettes de bar. Je crois que tu t'es trompé de style. F de Maserati. Je crois que tu t'es trompé de vie. J'ai dû pousser, me coucher pour pouvoir toucher le magot. Toi tu te fais coucher, rouster parce que t'as touché la gote. D'un mec de Marseille dans le sud, encore derrière les barreaux. Allez hop, j'interviens, dis-moi c'est quoi ton tarot. Ça prétend diverses choses. Regarde-moi droit dans les choses. Tout n'est qu'une question de flouze. Est-ce que le peuple me rattrape si je me jette dans la foule? Car elle m'a donné la vie. Donné la vie. Donné la vie. Donné la vie. Je remercie maman car elle m'a donné la vie. Bad boy ghetto, bad boy ghetto. Le rêve du petit d'en bas c'est de rouler en moto. A défaut de réviser ses cours de philo, il se demande qui c'est qui ramait dans le bateau. Je dis bad boy ghetto, bad boy ghetto. Le rêve du petit d'en bas c'est de rouler en moto. C'est la dalle qui nous met debout à des heures par haut. On se demande qui c'est qui ramait dans le bateau. Mustang, je ne vois plus personne. Le compte est full, c'est pour ça que téléphone sonne. Faut qu'on y go, la route est longue, longue, longue. Faut qu'on y go, la route est longue, longue, longue.